Maintenant, avec les machines à laver, il y a longtemps que c'est périmé. Et comment ça fonctionnait, ça? Oh, c'était très simple. On prenait la cendre, puisqu'on se chauffait au bois, tous les jours, pratiquement, en hiver surtout. Il fallait lever la cendre dans le poêle, et on le mettait dans un cendrier, parce que dans toutes les maisons, il y avait un cendrier. Et puis, quand on voulait faire sa lessive, on avait un cuvier, plus ou moins grand, ça dépendait des familles. On arrangeait le linge dedans. On mettait dessus, quand tout le linge était rangé, un drap un peu épais, dessus, qui recouvrait, qui pendait un peu sur les bords. Et on y mettait de la cendre qu'on tamisait. On avait à côté du cuvier un chaudron, ou alors si c'était à la maison, une grosse marmite, avec de l'eau. Et on commençait avec de l'eau juste pas froide, tiède, on allait en chauffant, puis très chaude. On arrosait cette cendre avec de l'eau et on la ramassait dessous parce que le cuvier était percé. Et à mesure, on chauffait ce qui coulait et on faisait une rotation comme ça. D'accord. Et vous faisiez combien de fois ce... Oh, ça durait facilement une demi-journée. Ah oui. Oui. Mais qu'est-ce qui sortait comme beau linge de là-dedans? Ah oui. Et qu'est-ce que ça sentait bon? Ah oui. Oui, aïe, aïe. Maintenant, des lessives, on en fait 2 ou 3 par semaine. Mais alors, dans les grandes familles même, ils en faisaient souvent 2 par an. Et ça durait un jour, hein. Un jour pour la mouiller, un jour pour la couler, un jour pour la rincer. C'est pour ça qu'il y a un dicton qui nous disait, religieusement, que pendant la semaine sainte, on ne faisait pas de lessive. Alors, pourquoi? Eh bien, parce que pendant 3 jours, on était occupés, on ne pouvait pas aller aux offices. L'explication est là. Et ça, les gens ont respecté ça? Oh, bien sûr. Oh là là. Et ça portait malheur, c'est là.